Bonjour, ici Valérie Levé au microphone de CKRL 89.1 et c'est l'heure de votre magazine de culture scientifique Futur Simple. Si vous avez un chien, un chat, ou si vous êtes végétarien ou vegan, ou si vous vous inquiétez de l'utilisation des animaux de laboratoire, eh bien cette émission est pour vous, car je recevrai à 18h30 le professeur François Doré, qui vient de publier un ouvrage intitulé « Les animaux et nous ». Mais pour le moment, je vous propose de faire un petit peu de mathématiques. Vous avez peut-être lu « L'histoire de Pi », le roman de Yann Martel. Ce roman, finalement, ne nous parle pas de la constante Pi, mais raconte l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Pi et des comportements humains. Il y a cependant bien des histoires à raconter à propos de la constante Pi, car figurez-vous qu'il y a 125 ans, des politiciens de l'Indiana aux États-Unis ont bien failli voter une loi qui aurait redéfini la valeur de la fameuse constante mathématique Pi. Alors, cette histoire de Pi, c'est Mathieu Riopel qui va nous la raconter. Il est professeur de physique au Cégep Garneau et chargé de projets pédagogiques au Centre de démonstration en sciences physiques. Bonjour Mathieu. Bonjour Valérie. Alors Mathieu, peut-être pour commencer, on va quand même faire un petit rappel mathématique. Pi, qu'est-ce que c'est? Ouais, ben c'est une constante mathématique. Hein. C'est une constante qui est assez connue parce qu'elle est très, très, très utilisée en mathématiques, en physique. On la retrouve partout dans plein d'équations qui ont même des fois pas rapport avec sa façon dont elle est définie au départ. Pi, c'est donc une constante, c'est un chiffre. Est-ce que tu connais beaucoup de décimales de pi, Valérie? Ben moi, de mémoire, pour moi, c'est 3, 14, 16, mais ça s'arrête là. Non, c'est déjà pas mal, ça fait 4 décimales. Donc, pi, c'est ça, 3,14159. Et puis, tu sais que le record du monde de mémorisation des décimales de pi, c'est de 70 030, le record Guinness. Là, 70 030 décimales. Ouais, quelqu'un a réussi à se souvenir de ça et les dire ensuite, parce que ça fait beaucoup de chiffres à dire un après l'autre. Donc, c'est une constante qui est très connue. C'est ce qu'on appelle aussi en mathématiques un nombre irrationnel. La façon dont c'est défini, c'est assez simple. C'est la mesure, on prend la mesure de la circonférence d'un cercle, on divise par le rayon de ce cercle-là et ça va toujours donner le même chiffre, cette constante-là qu'on a définie comme la valeur de pi. Que ce soit un gros cercle, un petit cercle, peu importe, si on mesure la longueur du tour du cercle puis qu'on divise par son diamètre, ça donne toujours, le même. 3, 14, etc. Ouais, exactement. Déjà là, c'est fascinant d'arriver toujours sur un chiffre, de trouver une constante comme ça. Ouais. Et donc, c'est ça, la constante pi, c'est défini comme ça. Ouais, puis ça, c'est connu quand même depuis longtemps. J'imagine que les Grecs ont dû mettre leur nez là-dedans, ou peut-être même avant, je ne sais pas, tu vas nous le dire. Oui, ben, effectivement, la constante pi, c'est connu depuis toujours, ou ben, depuis très, très longtemps. Tu sais, si on recule au début de l'écriture, on retrouve dans les dans des approximations de pi dans des écrits qui datent de l'époque des Babyloniens, des Égyptiens, donc ensuite les Grecs, évidemment. Donc ça là, c'est quelque chose qui était connu. Dès qu'on a besoin de construire quelque chose qui est circulaire, on a besoin de ce rapport-là. Donc les gens la connaissaient, cette valeur-là, bref. Mais l'histoire dont je vous parle aujourd'hui, c'est quelque chose qui date de 125 ans, là, donc c'est beaucoup plus récent. Et puis on pense qu'après des millénaires de connaissances sur la valeur pi, ça devait commencer à être bien connu, mais on n'est jamais... l'histoire n'est pas quelque chose de linéaire, puis ici, ben, c'est... je vais vous parler, en fait, d'un projet de loi qui... qui date de 125 ans, donc en 1897, qui a été proposé dans l'État d'Indiana et qui, d'une certaine façon, aurait redéfini la valeur de pi. C'est un mathématicien amateur qui l'avait proposé, ce projet de loi-là, qui était le projet de loi numéro 246, et qui s'intitulait « Une loi pour introduire une nouvelle vérité mathématique offerte comme contribution à l'éducation et à être utilisée uniquement par l'État de l'Indiana sans redevance de toute forme. Mm-hmm. » Donc, c'était l'intitulé de ce projet de loi-là qui a été proposé par Edward Goodwin. Ça ne visait pas la constante de pi directement. Aujourd'hui, on réfère à cette histoire-là qui est quand même passée un peu dans l'histoire. Là. Je vois tout le monde mm-hmm. qui connaît ça, mais on appelle ça le Indiana Pi Bill. Mais ça ne faisait pas référence à la constante pi directement, ce projet de loi-là, mais un problème qui est très connu quand même et qu'on croyait insoluble, ça fait l'auteur de ce projet de loi-là croyait avoir résolu la quadrature du cercle. Ouais, la quadrature du cercle, effectivement, on entend des fois parler de cette expression, mais au fait, je sais pas ce que c'est, est-ce que tu peux nous le dire? Ouais, effectivement, on va en parler de la quadrature du cercle. C'est un problème qui est aussi vraiment très très ancien, c'est un problème, ça aussi on en retrouve des traces là, qui dateraient de 1500 avant Jésus-Christ qu'on a retrouvé dans le papyrus de Rhin, le papyrus Rhin. Et puis, en fait, c'est un problème mathématique qui est tout simple à décrire. C'est de construire un carré qui va posséder la même aire, une aire égale à un cercle donné. Donc, si on a, par exemple, un cercle qui a un mètre de rayon, ben, l'idée, c'est de trouver un carré, construire un carré qui aurait exactement la même aire que ce cercle-là. C'est ça, la quadrature du cercle. C'est pas si compliqué à résoudre. Comme par exemple, mon cercle qui a un rayon de 1 mm-hmm. mètre de carré, son aire, il y a une formule pour calculer l'aire. Mm-hmm. C'est pi fois le rayon au carré, pi r carré. Donc, pi fois 1 mm-hmm. mètre au carré, ça donne pi fois 1, ça donne pi. Mm-hmm. Si on veut construire un carré qui a exactement un aire égal à ce cercle-là, donc de pi, ben on a juste à prendre un carré dont le côté est de racine de pi. Mm-hmm. Son aire, là, je fais beaucoup de mathématiques, là, mais son aire serait racine de pi fois racine de pi, ça donne pi. Pi, ouais. Donc, j'ai réussi la quadrature du cercle algébriquement. Ouais. Mais le problème de la quadrature du cercle, c'est pas exactement ça. C'est d'arriver à donc construire un carré qui a le même air qu'un cercle, mais de le faire avec une méthode qui est purement géométrique. C'est une méthode à l'ancienne, si on veut, la méthode qui était la préférée des Grecs. Donc, de le faire seulement avec un compas, une règle qui n'est pas graduée, ah ouais. puis c'est tout. Ah d'accord, donc là, on a une feuille de dessin, mettons, ouais. un compas, une règle pas graduée, puis on s'arrange pour réussir à dessiner un carré et un cercle qui ont la même superficie. Ouais, exactement. Ah ouais. Avec on a droit à un crayon, là, ouais. évidemment, là, mais ouais. c'est rien de plus. Ouais. Et donc, ce problème-là, qui est très, très ancien, a été, justement, on en trouve des solutions dans le papyrus Rhin, qui présentait, par exemple, un carré qui avait un côté de 8, avec un cercle qui avait un diamètre de 9. Puis si on compare les aires de tout ça, ben un carré de côté 8, ça a un aire de 64. Puis un cercle de diamètre de 9, c'est 63,6. Mm-hmm. Fait qu'on n'est pas si loin. C'est quand même une bonne approximation, mais c'est pas égal. L'idée, c'est de construire quelque chose ouais. qui est exactement égal avec le même aire. Sinon, on arrive à une approximation qu'on peut référer à pi dans cette approximation-là. C'est un peu comme si on utilisait une valeur de pi qui est de 3,16 au lieu de 3,14. Ça se rapproche quand même, hein? C'est quand même pas mal de réussir à faire ça avec un bout de crayon puis un compas. Oui, exactement. Puis cette solution-là, elle date de 1500 ans avant Jésus-Christ. Là. Ah, donc, ouais. c'est il y avait du savoir mathématique là-dedans. Et donc là, finalement, ça c'est depuis. J'imagine que depuis l'Antiquité, il y a quand même des mathématiciens qui ont essayé de résoudre ce problème de façon un peu plus générale. Ou est-ce qu'on a trouvé une solution? Ouais, c'est ça, trouver une solution purement géométrique oui. à ça. Il y a plein de mathématiciens qui ont essayé de le faire. Puis en 1882, il y a Ferdinand von Lindemann qui a ajouté une bonne idée à tout ça. En fait, lui, il a démontré que c'était carrément impossible de faire le la quadrature du cercle. Ce problème-là ne pouvait pas se résoudre de façon géométrique avec, comme je le disais, un compas et une règle non graduée. Sa démonstration mathématique fait intervenir l'idée que pi est un nombre qu'on appelle transcendant. Je n'expliquerai pas qu'est-ce que c'est. Mm-hmm. Mais si pi est un nombre comme ça, ben la quadrature du cercle est impossible. Et donc, il a démontré que c'était impossible. C'était impossible. Ouais. Mais ça n'a pas empêché donc, notre Edward Godwin, en 1897, d'affirmer, lui, avoir trouvé une solution et de la porter en chambre. Oui, exactement. Donc, 15 ans après la démonstration que c'était impossible de faire la quadrature du cercle, on se retrouve dans l'État de l'Indiana avec un certain Edward Godwin, un mathématicien amateur. Lui, c'était un docteur, un médecin, là, qui faisait des mathématiques pour le plaisir, comme ça. Et il affirme avoir démontré la quadrature du cercle. Et non seulement il affirme l'avoir démontré, mais il veut faire voter une loi dans l'État pour pouvoir que cette démonstration-là devienne sa propriété intellectuelle. Mm-hmm. Mais par bonté d'âme aussi, il propose que l'État de l'Indiana pourrait s'en servir tout à fait gratuitement de sa démonstration pour des fins pédagogiques ou pour faire des choses. Donc, il offre à l'Indiana sa propriété intellectuelle, mais pour le reste du monde, il faudra payer. Donc, c'est ce qu'il propose comme loi. Tout ça. Déjà là, qu'une démonstration mathématique devienne une propriété intellectuelle. Je trouve ça assez curieux. Oui, c'est un peu curieux, effectivement. Hein. Mais là, pour que son projet de loi chemine, j'imagine qu'il va falloir des appuis, parce que c'est pas n'importe qui peut proposer une loi. Donc, il y a un processus de révision. Est-ce que sa preuve avait été publié, validé par d'autres scientifiques avant de faire valider sa loi? Oui, ben c'est encore là, l'histoire, tu vas voir, s'empire à chaque détour. Donc là, en fait, dans son projet de loi, c'est écrit textuellement que ces solutions ont déjà été acceptées comme des contributions à la science par l'American Mathematical Monthly. Et ça doit être reconnu, en fait, que ce journal-là a reconnu sa publication comme une contribution scientifique pour résoudre des mystères insolubles et au-dessus de la compréhension humaine. Bref, la personne avait du verbe pour se vanter un peu. Mais l'American Mathematical Monthly, c'est vraiment une publication qui existait, qui était importante à l'époque et qui existe encore aujourd'hui. Ça a été fondé en 1894. Par contre, ce qui n'est pas dit dans le texte de loi et ce que donc notre Edward Godwin ne s'est pas vanté lorsqu'il l'a apporté, c'est que sa publication a été faite dans la section requêtes et informations. C'est comme le journal des lecteurs, chose-là. Lui, il a écrit dans le journal. Puis c'est écrit que c'est publié à la demande de l'auteur. C'est un peu comme si quelqu'un écrivait une petite annonce dans le journal, puis après ça, se vantait d'avoir été publié par ce journal-là en tant que tel. Donc, pas ce qu'on appelle être un article révisé par les pairs. Non, exactement. Il a contourné la révision par les pairs. D'un point de vue scientifique, il n'y a personne qui s'était fait berner par la chose, mais d'un point de vue de la loi, les gens n'auraient peut-être pas fait cette vérification-là. Puis sa publication va faire office d'argument d'autorité à ce moment-là, puis nécessairement, ça va l'aider. Puis la preuve mathématique en tant que telle, est-ce qu'elle a une valeur mathématique? Est-ce qu'elle fonctionne un peu? Ben, en fait, elle est très mauvaise, pour le dire de façon directe. C'est un peu compliqué de le résumer à la radio avec quelques schémas, ça s'explique mieux, mais l'idée, c'est qu'il va enchaîner une série d'arguments géométriques qui sont tous faux un après l'autre. Donc, il dit si ceci implique cela, ceci implique ceci. Chacune des choses est fausse, ou en fait, chacune des choses est une grossière approximation. Par exemple, il va... En fait, à la fin, il va se retrouver avec un carré qui a un côté de 7 cm et qui s'inscrit dans un cercle qui a un diamètre de 10 cm. Et donc, l'approximation qui fait, si je la compare à celle que j'ai faite tantôt quand je parlais des Babyloniens, l'approximation qui fait, si on la ramène à une approximation de pi, on arrive à 3,2. Ah! Qui est pire que les Babyloniens il y a, comme je disais, 1500 ans avant Jésus-Christ. Ouais. Donc, Après, si on veut, 2500 ans, lui, il a pas appris de l'histoire, ouais. Et arrive à cette valeur-là. Donc, d'une certaine façon, sa loi, c'est pour ça qu'on l'appelle le Indiana Pie Bill, redéfinit ou refait cette valeur-là, redonne une valeur à pi de 3,2. Mais l'idée, c'est que si pi était précisément égal à 3,2, la quadrature du cercle aurait été démontrée il y a sûrement 2500 ans, parce que c'est pas si compliqué comme problème lorsque pi est égal à un nombre... C'est plus un nombre transcendantal, non, comme tu disais tout à l'heure. Exactement. Là, c'est un nombre transcendant. Donc voilà que sa démonstration ne fonctionne pas. Bref. Ouais. Mais à ce moment-là, comment est-il arrivé à un résultat aussi faux, finalement? Pour Edward Godwin, je crois que on pourrait dire qu'il était juste très mauvais ou qu'il essayait de passer quelque chose pour se faire de l'argent ou quelque chose, mais peut-être aussi qu'il croyait vraiment à sa démonstration. L'idée, c'est que chaque argument en arrive à une grossière approximation. Dans sa démonstration, il dessine un triangle. Puis, selon ses arguments, la mesure d'un côté de ce triangle-là devrait être de racine de 50, de 7,07 avec plein de chiffres après la virgule. Mais lui, il dit que c'est égal à 7. Mais si on prend une règle puis on mesure le côté de ce triangle-là, mais ça va donner 7. Mais c'est pas ça, faire de la géométrie. Faire de la géométrie, c'est d'utiliser des arguments géométriques puis de s'assurer tout ça fonctionne. Puis on n'a pas le droit à la règle graduée, justement, comme je le disais dans les règles du jeu. Là. Ouais. Donc, peut-être que lui, il croyait que ça fonctionnait vraiment. Puis ça fonctionne. L'idée, c'est que ça fonctionne. C'est juste une très grossière approximation de la quadrature du cercle, ce qui avait rien de nouveau côté mathématique à l'époque. Là. Mais finalement, est-ce que ça... J'imagine qu'en voyant ces erreurs, finalement, la loi n'a pas été adoptée? C'est ça continue. C'est parce que ça se poursuit, toute cette histoire-là. Parce que qu'un mathématicien amateur s'amuse à faire des mathématiques, c'est correct, et puis ça prend des gens qui font de la science comme amateurs, qui démontrent quelque chose qui fonctionne pas, mais qui pensent qu'il est arrivé, qu'ils se trompent. Bref, ça arrive tout le temps en science de tromper, que ce soit des amateurs ou pas. Mais après ça, qui amène son idée à la Chambre des représentants, ça, c'est encore une étape de plus. Mm-hmm. Puis, dans son projet de loi, lui, qui présente, comme je le disais tantôt, il l'appelle une loi pour introduire une nouvelle vérité mathématique offerte comme une contribution à l'éducation et à être utilisée uniquement par l'État d'Indiana. Il offre quelque chose à l'État d'Indiana, une vérité mathématique. Pourquoi l'État d'Indiana ne l'accepterait pas, cette vérité-là qu'on lui offre? Ça va être voté à majorité, ça va être accepté à majorité par la Chambre, par l'Assemblée législative. Donc, la Chambre des représentants va accepter ça. C'est la première étape pour adopter une loi. Il y a d'autres étapes ensuite, mais ça va être voté presque à l'unanimité, là, cette loi-là. Puis, on pourrait dire, c'est juste des politiciens, ils ont fait rapidement leur travail, mais ça a été fait avec sérieux. Ça a été envoyé à la commission des finances qui a dit, grosso modo, nous, on comprend pas trop ce qui se passe là-dedans. On va le transférer à la commission de l'éducation de l'Assemblée législative de l'État de l'Indiana qui va rendre un avis favorable à l'adoption de cette loi-là. Donc, il y a vraiment des gens qui sont penchés là-dessus, des gens de l'éducation à l'époque, il y a 125 ans, qui ont dit « ça devrait être quelque chose d'intéressant, tout ça ». Et donc, la loi est passée. Pas tout à fait. Comme je le disais, faut que ça passe. Une fois que ça passe à l'Assemblée législative, faut que ça soit ensuite adopté par les sénateurs. Une chance qu'il y a le Sénat. Des fois, on se demande à quoi servent les sénateurs, dans la politique. Mais nos sénateurs ont pour rôle de regarder les lois qui ont été discuter, disons, à l'Assemblée nationale ou à l'Assemblée législative, puis donner leur accord final. D'habitude, c'est une formalité, tout ça. Une fois qu'une loi est discutée à l'Assemblée législative, on peut on vote pour au Sénat pour l'accepter. Mais ça s'est pas passé comme ça à ce moment-là, heureusement pour l'histoire des mathématiques. Donc, ce qui s'est passé, il y a eu toutes sortes d'événements qui se sont enchaînés à partir de ce moment-là. Entre autres, il y a un mathématicien qui s'appelait Clarence Abiathar Waldo, qui passait là par hasard au moment où le débat au Sénat se déroulait. Lui, il connaît les mathématiques, il enseigne les mathématiques, il a même écrit un manuel de géométrie descriptive. Il est à Indianapolis, puis il entend parler d'un projet de loi sur les mathématiques, ça l'intéresse, il s'informe, puis là, ben, il rencontre des gens qui il y a un sénateur qui va lui dire, ben, il y a un génie des mathématiques qui nous offre sa démonstration, sa vérité mathématique. On lui dit même, veux-tu qu'on te le présente, ce génie des mathématiques-là? Puis apparemment qu'il va s'informer de la loi, puis qu'il a dit quelque chose comme, désolé, mais j'ai assez rencontré de débiles dans ma vie, j'en ai assez à m'occuper comme ça. Ah ouais. Mais en fait, l'histoire s'arrête pas là parce qu'il va décider de s'impliquer, coacher un peu les sénateurs, en fait. Il doit peut-être trouver qu'il y a Anguille sous roche, là, que ce machin-là, ça n'a pas d'allure. Oui, oui, visiblement, ça l'a interpellé, puis il a voulu s'occuper un peu de la chose. Donc, il explique aux sénateurs que ça n'a pas vraiment de valeur scientifique, tout ça. Il y a aussi les journaux locaux qui vont présenter tout ça, ce qui fait que là, la journée où ça devait être voté au Sénat, les sénateurs vont se mettre à faire des blagues mathématiques pendant 30 minutes, rire un peu du projet de loi, dire que là, à 250 $ de l'heure pour le Sénat, ce que ça coûtait à l'époque, c'est peut-être cher payé pour avoir à voter pour des projets comme ça. Pi ne deviendra pas égal à 3,2 dans l'État d'Indiana. Donc, heureusement que par hasard, un vrai mathématicien est passé dans l'Indiana à ce moment précis pour remettre les choses à l'ordre, en ordre quand même. Oui, comme quoi ça prend des scientifiques pour s'intéresser de ce qui se passe en politique. Puis en fait, c'est ça que je trouve intéressant dans cette histoire-là. On peut s'en moquer là, du mathématicien qui a fait sa gaffe puis qui a déposé une loi qui n'a pas de bon sens il y a 125 ans, mais je trouve que ça fait écho à des questionnements, des enjeux, les liens entre la politique puis les sciences encore aujourd'hui. Et par exemple, comme je disais tantôt, est-ce qu'on peut apposer une loi sur une vérité mathématique, comme c'était nommé là-dedans, ou comme sur une démonstration mathématique, ou sur des choses aussi plus concrètes, comme par exemple des gènes. On parle souvent des lois ou des propriétés intellectuelles qui sont que certaines compagnies obtiennent pour des gènes. Mais un gène, c'est une idée scientifique, c'est une construction scientifique. C'est plus concret, si on veut, qu'une idée, une démonstration mathématique, mais ça reste que c'est un modèle scientifique pour se représenter quelque chose qui est dans l'ADN, puis bon, c'est quelque chose d'abstrait. Est-ce qu'on peut mettre des lois là-dessus? Mm-hmm. Est-ce que quelqu'un peut posséder une idée mathématique ou une idée scientifique, puis jusqu'à quel point, où est la ligne? Ouais, puis à chaque fois qu'on utilise le théorème de Pythagore, il va falloir payer des redevances. Oui, c'est ça, exactement. Est-ce qu'il faut donner de l'argent à Pythagore à chaque fois qu'on se sert de ça? On serait surpris de voir que ça pourrait être payant. Pythagore aurait pu s'enrichir avec ça. Ouais. Et aussi, je trouve que ça met en jeu est-ce que nos institutions politiques sont assez outillées pour prendre des décisions scientifiques? On sait qu'il y a certainement des avis scientifiques. Il y a des scientifiques qui travaillent puis qui donnent leur avis en politique, mais est-ce que ces avis-là sont toujours écoutés? C'est ça. Est-ce que ces avis-là sont bons? Est-ce qui donne les avis scientifiques? Est-ce que c'est une personne, un médecin amateur qui vient d'une ville lointaine? Est-ce que c'est un consensus scientifique qui est suivi? Donc, qui est-ce qu'on écoute? Est-ce que, puis, si l'avis est scientifique puis fait consensus, est-ce que cet avis-là est compris? Dans quelle mesure? Puis, est-ce qu'il est écouté? Puis, c'est ça. Finalement, quel est le lien entre... Est-ce qu'il y a quelque part un lien entre les politiciens, les décisions qui sont prises et les avis scientifiques qui peuvent servir de base pour prendre les décisions? Et là, on se demande, on rigole de cette histoire-là, de cette histoire de Pi il y a 125 ans, mais il y a peut-être des cas actuels où on pourrait peut-être se poser... Moi, j'en ai tout plein en tête. Je suis sûr qu'il y a plein d'auditeurs qui réfléchissent à tout ça. Donc, je pense qu'on en a parlé des fois pendant la COVID. Là, tout à coup, les politiciens prennent l'avis des scientifiques, mais sur les autres sujets d'actualité, prennent-ils l'avis des scientifiques? Exactement. Donc, moi, je trouve que c'est une belle fable qui nous permet de de parler de tout ça. Ouais. Donc, puis tu sais, on se dit, si les politiciens étaient confus il y a 125 ans à propos de la quadrature du cercle, à quel point ils sont confus par rapport à tous les sujets, un sujet comme les changements climatiques aujourd'hui. Donc, ou l'intelligence artificielle ou toutes sortes de technologies. Ouais, exactement. Donc, heureusement qu'il y a des professeurs de mathématiques qui passent ou des scientifiques ou des gens pour pouvoir remettre en question puis aider nos politiciens encore aujourd'hui. Ouais. Puis voilà. Ben voilà, ben c'est très intéressant, Mathieu, cette histoire de pi version mathématique et comment on peut quand même faire le lien avec l'actualité d'aujourd'hui. Alors, merci beaucoup, Mathieu. Merci. Puis je rappelle que Mathieu Riopel est professeur de physique au Cégep Garneau et chargé de projet pédagogique au Centre de démonstration en sciences physiques.